Spamtron et la pièce Future Tokyo. Je vous rappelle que c'est un avant-goût de son nouvel album D-Pad qui va être disponible gratuitement dès le 17 décembre sur iamspamtron.com. C'est à CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio où on compresse les chroniques technologiques CNX de l'émission Assemblage requis. Voici la chronique de mercredi dernier. Bricolons avec Mathieu. Mercredi. Si vous suivez CNX depuis longtemps, ça va faire minimum depuis cet été que j'ai pas fait la chronique bricolons avec Mathieu. D'antan, c'était une chronique bricolage où littéralement je vous montrais comment faire des petites affaires en téléchargeant des affaires, des PDF, n'importe quoi, faire peut-être un masque de Mario. Élargissons un petit peu le champ pour ramener la chronique bricolons avec Mathieu d'une façon un petit peu plus régulière en parlant de gens qui ont modifié des choses, des appareils, des gadgets pour faire ce qu'ils veulent avec. Ça va être pas mal le fun, mais il va y en plus qu'avoir des affaires de bricolage là-dedans. Faudrait quand même pas enlever la mission première de s'amuser avec une paire de ciseaux. Hein? Sans courir avec, par contre. Commençons avec un petit didacticiel pratique pour hacker vos gants d'hiver pour les utiliser avec un iPhone. C'est vrai. C'est des gens chez Instructables qui ont un beau petit didacticiel très approprié à la journée aujourd'hui où il neige comme ça. Donc, une bonne façon de hacker vos gants d'hiver pour ne pas avoir à vous geler les doigts quand vous utilisez votre iPhone, votre iPod Touch, n'importe quelle autre sorte de iPod avec un écran tactile. En fait, ça élimine pas mal tout sauf le iPod Touch et le iPhone, hein? Mais bon. Donc, vous allez avoir besoin de fil conducteur, d'accord? Une aiguille assez solide, donc pas une petite aiguille de rien du tout. Et vous devez être capable de coudre, donc au moins des capacités de base là, pour coudre sans vous péter un œil peut-être. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Il va falloir aller suivre les instructions. Évidemment, je ne vous dirai pas tous les détails. Ça deviendrait un petit peu compliqué à la radio. Si vous n'êtes pas apte à faire du bricolage, il y a aussi les Free Hands et les Dots Gloves, qui sont des gants avec tout ça d'intégrer dedans pour pouvoir appuyer sur un iPhone. Parce que, l'écran d'un iPhone, ce que ça a de spécial, c'est que c'est pas juste le toucher. En fait, c'est pas du tout le toucher. Vous pouvez toucher avec un gant et ça fonctionne pas sur l'écran. Il faut que ce soit conducteur. Bon, donc, c'est pour ça qu'on vous offre ce petit didacticiel-là. En version cheapo, ici, étape par étape, très bien expliqué. Il vous montre même où aller chercher une petite quantité de fil conducteur à la place de payer 20$ pour une, comment t'appelles ça, là, t'sais, une grosse boule de laine, peu importe. Donc, ça va vous coûter environ 4$ pour votre paire de gants. À ce prix-là, c'est facile, ça se paye bien et vous allez pouvoir utiliser votre iPhone ou iPod Touch sans enlever vos gants ou sans mettre des gants avec les doigts qui s'enlèvent. Là, ça fait froid aux doigts, j'aime pas même ça, ces gants-là. C'est pas aussi chaud que des gants normaux, il me semble. Prochain truc à mentionner, c'est un Xbox Hackintosh. On appelle ça le OS Xbox Pro. Voilà, donc par où commencer? Ça s'appelle donc le OS Xbox Pro. C'est le projet de Urbina. D'accord, la personne s'appelle Urbina. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un Microsoft Xbox, l'original, mais modèle translucide, le transparent. Il a pris ce châssis-là. À l'intérieur, il a mis les intérieurs d'un Hackintosh. Donc ça, c'est un ordinateur sur lequel on peut mettre un macOS, mais qui est dans le fond pas un ordinateur fait par Apple. Une paire je n'irai pas dans les termes techniques, là, mais 2.93 GHz, Intel Core 2 Quad, quand même pas si pire. NVIDIA GeForce, 9800, 8 GB de RAM. Bon, on continuera pas là-dessus. Ce qu'il a fait, par contre, de vraiment intéressant, c'est qu'il y a un disque dur solid state de 16 gigs. Donc ça, c'est petit. C'est de la mémoire genre flash à la place d'être un disque dur qui bouge. Et il a rajouté 4 disques durs additionnels. Un pour booter Windows 7, l'autre pour booter OS X Snow Leopard, le système sur les Mac. Et il dit qu'il l'a acheté au magasin. Mm-hmm. Les deux autres sont utilisés pour l'édition de vidéo. Le coût total, 1 500$ de composantes sur le site Newegg. Newegg.com, qui est un site de pièces d'ordinateur à rabais. C'est juste un petit peu 1 500$ moins cher, juste un petit peu moins cher que le modèle 27 pouces du iMac le plus récent. Si vous voulez aller voir la vidéo remplie d'insalubrité, quelque chose du genre, il nous dit là-dedans qu'il préfère Windows, mais qu'il a besoin d'une machine pour travailler avec Final Cut Pro, donc c'est pour ça qu'il s'est fait ça. Avec une Xbox transparente, donc très très jolie, très beau design, c'est la OS Xbox Pro. Maintenant, parlons de comment... revenons à notre bricolage, comme on le faisait dans le temps. Là, comment faire des flocons de neige pour Noël et des décorations sur votre Mac. Donc, la saison des fêtes qui approche, vos enfants ou votre copine, dans mon cas, vous achètent pour avoir un sapin de Noël et des décorations de Noël. Eh bien, Symmetry Sketch est un logiciel de dessin vecteur ou vectorisé gratuit qui est disponible aussi pour les utilisateurs de Windows et de Linux. Et ici, on parle du Mac. Ça vous laisse faire de la symétrie sur le 2D, pas sur le 3D, pas en profondeur, juste sur une seule planche à dessin, si on veut, sur l'ordinateur. Donc, on commence avec un pentagone, 5 axes de symétrie. Vous pouvez jouer avec les paramètres en cliquant sur les contrôles en bas à gauche et créer tout plein de superbes patterns, dirais-je, des formes. Vous pouvez changer de mode pour le mettre le mode rotation seulement. Et là, ça commence à vraiment faire des beaux petits flocons de neige. Vous appuyez sur Clear pour recommencer. Vous faites Save pour sauvegarder en PDF. Et les PDF sont en ligne seulement. Pas en ligne sur Internet, là, mais en des vraies lignes. Là, donc, pas les couleurs. Parce que dans le logiciel, on vous offre des couleurs. Là, c'est comme un fond vert. Quand on imprime le PDF, ça fait une seule ligne noire sur une feuille blanche. Donc, c'est plus facile de découper et de faire des beaux petits flocons de neige. Facile à imprimer, découper, colorer, n'importe quoi. Mettez-en partout dans la maison. Il faut se rappeler, par contre, que c'est une application Java. Donc, c'est souvent très, très lent. Mais au moins, ça fonctionne sur plusieurs plateformes. Ça s'appelle Symmetry Sketch. Et le lien est sur le www.assemblagerequis.com. Le panier iCat Basket. Une autre bonne utilisation pour un vieux Mac qui est mort. Vous savez, j'aime les chats. J'ai écouté l'émission une fois de temps en temps. Et là, il y a une galerie de photos sur Flickr qui s'appelle Cats Love Max. Et là-dedans, il y avait une photo d'un gars qui a pris un iMac, une vieille génération de iMac, a vidé son intérieur pour faire un panier à chat. Pas malade, ça, c'est Micmac, la personne qui s'appelle. Il a créé ça pour son chat Pixel. Et c'est super joli. Allez voir la photo. Il a mis un beau petit coussin à l'intérieur. Donc, vider l'intérieur d'un iMac pour faire un panier pour son chat. J'approuve. Un article de MacPlus.net maintenant. C'est pas la première fois qu'on voit la NES de Nintendo servir de dock ou de socle pour le iPhone ou l'iPod Touch suite à des bricolages plus ou moins complexes. Mais il est plutôt rare de voir les cartouches de jeu elles-mêmes servir de socle. Et ça fonctionne avec le jeu Duck Hunt. Donc, la personne sur le site qu'on peut voir sur assemblagerequis.com a bidouillé quelque chose dans sa cartouche Duck Hunt. En fait, il a enlevé l'intérieur. Là, si on enlève les vis, là, ça s'enlève tout seul, tout ce qu'il y a là-dedans. Et puis, il a branché le fil. En fait, c'est super cheap. La façon qu'il l'a fait, c'est vraiment le bricolage le plus facile au monde. Là. Il a fait un petit trou dans la cassette, rentré le fil qui vient avec l'iPhone, et puis il le fait juste pendre comme ça sur sa cassette. Je sais pas, il me semble que ça a pas l'air super stable. Peut-être que j'installerai un petit arrière au iPhone pour pas qu'il chambranle. Mais qu'est-ce que j'en sais? Allez voir la photo et peut-être ça vous inspirera à faire vous-même votre dock avec une cassette de NES. Des zooms pour iPhone, encore une fois, beaucoup de gadgets d'iPhone, mais c'est tellement le gadget populaire du moment que c'est normal qu'il y ait beaucoup de bricolage à faire avec. Des zooms pour iPhone, il en existe quelques-uns, mais des outils importants, c'est bien la première fois, dit l'article, encore une fois, de MacPlus.net. Le Phonoscope est un objectif 18-35 mm bricolé par Bautik Joshi, un ingénieur chez ILM. Pour que l'iPhone soit compatible avec l'objectif, il a fallu au bricoleur démonter son mobile pour y installer des composants tirés d'un lecteur de CD, essentiellement des lentilles. Ensuite, tout n'était qu'une affaire de carton et de scotch tape. Résultat pas si mal. Si vous allez voir l'article, on montre la photo prise avec l'iPhone simple et à droite avec l'objectif. Vous allez pouvoir comparer le zoom, qu'est-ce que ça donne comme photo. Évidemment, peut-être pas facile de répondre au téléphone avec ce genre de choses installées sur le téléphone. Avec l'iPhone, encore une fois, OS 3.0, le système d'exploitation le plus récent de l'iPhone, Apple a permis une plus grande interactivité entre les périphériques et l'iPhone via Bluetooth. Pas suffisamment peut-être au goût de la communauté Jailbreak qui a développé le projet BT Stack. Je rappelle, le Jailbreak, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de hacker son iPhone pour le sortir du App Store de Apple. Donc, on peut installer des applications qui ne sont pas approuvées par la compagnie qui fabrique l'iPhone ou l'iPod Touch. Un projet sur lequel Zod TTD a travaillé pour utiliser la Wiimote avec son iPhone. La Wiimote de Nintendo Wii. Il utilise pour le moment les boutons, même s'il annonce pouvoir utiliser l'accéléromètre intégré, mais il ne montre pas dans la vidéo. Donc, l'accéléromètre, c'est quand on peut bouger la manette de l'iPhone dans un environnement 3D là, et puis avoir des affaires qui réagissent. Là, ici, c'est des boutons seulement. Donc, petite démonstration, allez voir ça sur assemblagerequis.com, c'est une vidéo. Le développeur annonce vouloir utiliser aussi la manette de la PS3, mais en attendant, son travail est disponible via Cydia, qui est une des façons de jailbreaker son téléphone. C'est pas la première fois que quelqu'un pense à détourner la Wiimote. En passant, le projet Darwin Remote permet de l'utiliser avec un Mac. Le lien est dans l'article. Piloter un tank miniature, eh bien, il existe une application pour ça, hein, comme disent les publicités du iPhone. Christopher Rojas, qui est un habile bidouilleur, a utilisé le logiciel Touch OSC, qui est une application disponible sur l'App Store. Donc ça, c'est officiellement approuvé par Apple comme application, pour transformer son iPhone en télécommande pour un mini-char motorisé par un panneau solaire. Dans sa grande bonté, dit l'article, Rojas fournit même un mode d'emploi complet pour le programme ainsi que la création du tank. Si ça vous intéresse, l'article est où? Devinez, sur www.assemblagerequis.com. Le ballon multicolore, la petite balle de couleur sur un Mac, le signe caractéristique que Mac OS X pédale dans la semoule, dit l'article, inspire les artistes. Hein? Après un gag qu'on a vu récemment dans Family Guy, le fameux curseur apparaît dans une amusante création de James Theophane, directeur artistique pour l'agence Lost Boys. Celui-ci ayant été chargé de concevoir une pièce artistique pour une réception, il a décidé de mixer différents médias et reprenant à son compte une vulgaire croûte. Notre homme, j'imagine. Notre créa, je crois que c'est le nom du gars, je sais pas. A simplement recouvert la moitié inférieure d'une peinture grise et y a rajouté par-dessus un ballon multicolore motorisé. Le résultat est plutôt réussi, dit l'article, et mérite en tout cas le coup d'œil. Donc allez voir la vidéo, c'est une petite vidéo de 9 secondes où on voit vraiment le gars installer une roulette de couleurs, pareil comme sur Mac. C'est comme si dans Windows, on prenait le sablier, on l'animait et il était motorisé par-dessus une peinture. Donc, dans le fond, la peinture est comme à moitié peinturée jusqu'à, mettons, au trois quarts, tu sais, en bas de la toile. Le reste est gris et il y a un petit truc animé. C'est génial. C'est super le fun, c'est motorisé. Donc, allez voir ça. Ça s'appelle l'article « Les ballons multicolores, œuvre d'art » sur assemblagerequis.com. Il nous en reste deux petits rapides. Donc, voilà, du buzz, dit-on. Un développeur de 14 ans qui se cache sous le nom de NWorks Dev agite les clochettes sur YouTube pour le premier émulateur natif de Nintendo 64 sur iPhone et iPod Touch. Et le logiciel s'appelle 3G4, mais c'est pas prévu pour avant le printemps prochain. Un peu de détails encore ont émergé sur ce projet qui ne fonctionnera visiblement que sur l'iPhone et les iPod jailbreakés, comme on dit tantôt. Mais le développeur promet des contrôles étonnants ainsi qu'une interprétation des fichiers ROM comme si l'on jouait devant sa télé. Des ROM, c'est des copies de jeux, là, comme vous les connaissez peut-être illégalement sur différents sites web. On peut se procurer des jeux vidéo qui sont dans le fond juste un petit fichier qu'on entre dans un logiciel d'émulation de console de jeux vidéo. Et là, on peut jouer, par exemple, disons, Mario Bros. 3, dans le ROM de Mario Bros. 3, dans un émulateur de NES. Et puis là, ça peut jouer. Donc, il va pouvoir supporter les ROM sur l'iPhone avec cet émulateur pour Nintendo 64. Le gars a du temps à... Ben, pas à perdre, parce que ça va bénéficier à tout le monde, mais a du temps pour faire ça, parce que ça va être beaucoup de codage et beaucoup, beaucoup de lecture pour faire un émulateur sur l'iPhone. Et finalement, si votre Time Capsule est morte récemment, parce que sur le Mac, le Time Capsule, ben, il y a des gens qui ont des problèmes avec et que ça meurt à un moment donné après quelques années. Time Capsule, je vous explique ce que c'est. C'est une petite boîte qui a un disque dur de, par exemple, disons, 1 Teraoctet. Tu mets ça dans le coin d'une pièce et complètement sans fil, ton portable ou ton Mac va faire ses backups sans fil via la Time Capsule, donc vraiment via ton réseau Wi-Fi à la maison. Aussitôt qu'un fichier change sur ton ordinateur, ça va sur la Time Capsule. C'est quelque chose d'absolument malade et génial. Je l'utilise avec un disque dur normal. Tu peux aussi l'utiliser par USB. Donc bref, le Time Capsule est un gadget qui sert juste à ça et ça, c'est sans fil. Et si votre Time Capsule est morte, comme quelqu'un sur Internet l'a fait, eh ben il y a des instructions sur Instructables pour convertir sa Time Capsule en boîte cadeau. Processus qui a l'air assez simple. On enlève l'intérieur, le disque dur et tout ce qu'il y a à l'intérieur de la Time Capsule. Et vous insérez un beau petit morceau de tissu, le velours rouge ou peu importe. Vous insérez une belle petite photo en haut sur le couvercle. Et puis, ben après ça, vous reconnectez, oui, le haut et le bas de la Time Capsule avec des pentures que vous trouvez dans un magasin. Et ça donne une boîte cadeau qui a l'air d'avoir été faite par Apple en Californie, comme ils disent sur leurs emballages. Designed by Apple in California. Donc, boîte cadeau à partir d'un vieux disque dur Mac Time Capsule. C'est super beau. Allez voir à www.assemblagerequis.com pour tous les liens de la chronique CNX d'aujourd'hui. C'était Bricolant avec Mathieu. Et je pense que j'ai même pas chanté la chanson. Dans le temps, j'avais une chanson. Son le souvenir. Je chantais Bricolons avec Mathieu. Ta-da-ta-da-ta-ta. Hein? Prochaine fois, tu sais, je me la réenregistrerai, ça va être super beau. C'était la chronique de mercredi dernier, Bricolons avec Mathieu. Vous êtes à CNX.zip, l'émission qui compresse les chroniques technologiques CNX d'assemblage requis. Ça, c'est l'émission du retour, diffusée ici à C'est fou du lundi au jeudi entre 15h et 17h. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas de chronique CNX cette semaine. Non, parce qu'on vous présente un paquet d'émissions thématiques à assemblage requis jusqu'à jeudi. Et puis après ça, on va tomber en congé et ça recommencera en janvier, à partir du 4 janvier. Assemblage requis va être de retour, les chroniques CNX dans assemblage requis et CNX.zip. Tout ça dans la même journée à partir du 4 janvier. Il nous reste la chronique de jeudi dernier, truc cool, mais avant ça, on prend une petite pause et on revient dans 2 minutes. Restez avec nous à CNX.zip sur C'est fou. Tu me prends pour un imbécile, hein? C'est fou, ça va là, c'est 89. je sais pas, c'est peut-être un chat. CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio. Bonjour, c'est toujours à CNX.zip, c'est l'émission la plus geek de la radio. On comprend ces chroniques technologiques CNX d'assemblage requis. Il nous en reste une seule, celle de jeudi dernier, mais elle est particulièrement longue. Un bon 14 minutes 30 de trucs cool. Beaucoup de très, très bons sujets abordés dans cette chronique. Donc, voici tout de suite trucs cool sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Jeudi. J'allais attendre que ça embarque, mais ça embarque quand j'avais. Aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, c'est truc cool. Donc, je vous présente un ramassis de tout ce qui ne fit pas dans les autres chroniques de CNX. Hein. Si vous écoutez régulièrement, vous savez que la roulette chanceuse atterrit pas mal sur Utilitrucs, Autour du Net, Google Gadget. Des trucs comme ça, c'est des thèmes spécifiques, c'est des gadgets, c'est des sites web intéressants, c'est des logiciels à utiliser pour vous simplifier la vie. Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tout le reste. Tout ce qui n'entre pas là-dedans et qui ne mérite pas sa propre chronique. Commençons avec, le site de Mark Colleran, Visual Designer. Donc, c'est un designer visuel, hein, Mark Colleran. Et sur son site, il nous présente un portfolio de ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là? Sa spécialité, c'est des interfaces utilisateurs dans des films hollywoodiens ou autres. Tu sais, des fois, on regarde un film, je sais pas. Il va regarder un film. Par exemple, tiens, XXX, The State of the Union. Il y avait des interfaces utilisateurs là-dedans, donc un écran, une interface d'utilisateur. Vous savez ce que c'est? Là. C'est comme un Windows, mais pas un vrai Windows, parce que dans les films, on peut pas se permettre d'utiliser l'interface de Microsoft Windows, parce que ça coûterait cher. Donc, on doit faire une fausse interface avec alerte, un intrus qui vient d'arriver, ou je sais pas, tu sais, des fois, il tape des mots de passe au hasard, puis il y a comme des bip, puis à un moment donné, il tombe sur le bon mot de passe. Ben oui, ça marche de même dans vraie vie, t'sais. Non, du tout. Ben, c'est pour ça qu'il faut créer un logiciel pour que ça ait du sens dans le film. Il y a The Bourne Identity, il y a Domino, Spy Game, Agent Cody Banks 2, avec le beau petit gars de Malcolm in the Middle. Hein. Plein d'affaires comme ça, Fred Klaus, il y en a des tonnes. C'est sur le blog de Mark Colleran, Visual Designer. Et le lien est évidemment sur le www.assemblagerequis.com, comme tous les liens de la chronique d'aujourd'hui et des autres CNX. James Duncan Davidson, sur son blog, qui est au duncandavidson.com, nous parle d'une... Enfin, il nous raconte une histoire. Il nous dit qu'en janvier 2007, au lancement du iPhone, il travaillait pour Apple avec Daniel Steinberg au Macworld, dans le pavillon des développeurs. Et le job qu'il avait, ben, s'est transformé dans un mini-site web, le ADC Developer Pavilion, que vous pouvez aller voir sur l'article. Ils ont terminé ça en une journée, ils ont pris plein de photos, et en s'en allant, le gars a remarqué quelque chose d'intéressant autour de l'endroit où le iPhone était montré pour la toute première fois. Il avait vu plusieurs photos de l'iPhone dans sa boîte et à cette époque-là, tout le monde avait vu ça. Ou en tout cas, bien des gens l'avaient vu. Mais ce qui est plus intéressant, c'est les gens qui voyaient le téléphone, le iPhone en tant que tel pour la toute première fois. Ils le regardaient et le désiraient, tu sais, de façon presque complètement perverse. Donc le gars, il avait fini de travailler, il était parti presque. Et là, il a vu ces gens-là en train de regarder l'iPhone et il a pris des photos. Échanger son appareil, je sais pas trop quoi. Il a pris des douzaines de photos et une de ces photos-là a été utilisée sur des sites web où les gens piquent des photos et mettent leur propre logo dessus pour faire comme si c'était eux qui l'avaient pris. Donc, donne pas le crédit à la bonne personne. Ça fait le tour de Flickr, le tour d'Internet. 3 ans plus tard, fast forward si on veut, son ami Jason Hunter lui a montré une photo sur le site Verizon Droid. Du Verizon Droid, le nouveau téléphone sur la compagnie Verizon, donc un téléphone qui fait compétition à l'iPhone, et où la compagnie essaie de différencier le Droid du iPhone en tant que tel avec une photo qui ressemble étrangement à ce que ce gars-là avait fait. Donc allez voir, il y a une petite vidéo, en fait je crois que c'est une pub vidéo. Donc allez voir ça sur l'article assemblagerequis.com. Vous allez pouvoir voir la photo originale que le gars avait pris et la vidéo récente. Je trouve ça vraiment cool comme concept. C'est super beau, des gens qui regardent intensément un produit. D'ailleurs, dans la publicité originale, la photo originale, il y avait 3 gars et il y avait des gens qui pensaient que le gars du milieu était une fille. Bon. Donc dans la publicité vidéo de Verizon, qu'est-ce qu'il y a? Une fille dans le milieu. C'est pas copié, hein? En tout cas, bref, allez voir ça sur assemblagerequis.com. C'est vraiment très très beau. Sur le site Minimal, un de mes sites préférés, l'adresse est mnmal.tumblr.com. Des fois, tu sais, on s'aide pas bien avec des adresses comme ça, mais bon. Bref, c'est un site sur le minimalisme dans la vie. Donc, comment faire pour minimiser votre vie pour que ce soit le plus épuré, le plus blanc, le plus beau possible. Donc, bref, là-dessus, ils ont posté une belle petite photo. Qui est un dessin, en fait, sur le social media fatigue, la fatigue des médias sociaux, si on veut. Donc, la première étape, c'est un dessin avec des gens, un gars principalement. Donc, premier dessin, c'est tomber en amour avec un réseau social, comme Facebook, Twitter, n'importe quoi, ou un site web même. Deuxième étape, le dire à tout le monde que tu connais. Hey, tu connais-tu Twitter? Et voilà, tu vas faire que tu t'inscris. Étape numéro 3, s'exciter à chaque fois que votre média préféré est mentionné dans les médias. Donc, disons, Twitter est mentionné aux nouvelles. Waouh, président Obama utilise Twitter. Oh, capote, tout le monde trippe vraiment. Ensuite, réaliser que tout le monde autour de vous est rendu ami avec tout le monde que tu connais et toi. Prochaine étape, les zombies du marketing sentent l'argent et se mettent à utiliser le réseau. Ensuite, tu deviens frustré avec l'expérience parce qu'ils commencent à enlever ou changer des choses que tu n'aimais pas, comme dans Facebook, quand tu changes l'interface, tout le monde se met à chialer vraiment fort. Prochaine étape, trouver un nouveau réseau social à utiliser. Et ensuite, on recommence la boucle, tomber en amour, le dire à tout le monde utilise, etc., etc. Je trouvais ça mignon et ça s'applique non seulement, comme je disais, à Facebook et à Twitter, mais aussi à des sites web qui commencent à avoir de plus en plus de publicité ou changent des affaires de place, commencent à enlever une chronique ou quelque chose que t'aimais. Quand ça commence à être populaire, des fois, c'est pas toujours bon. C'est un peu la même affaire que la musique, tu sais, sérieusement, ici, c'est fou. On joue quelque chose de super gros, à un moment donné, ça commence à être très populaire dans d'autres radios, et on arrête de les jouer. Là, plus tard, on réalise que finalement, moi, c'était pas si pire que ça, puis c'était bon, puis là, les autres commencent à arrêter de le jouer, puis là, tu recommences à le jouer. C'est un cercle de la vie, c'est the circle of life, hein? Un article sur macforever.com, Presse Elite, les fameux frères Morcos, dit l'article, dévoilent leur nouveau projet, ça s'appelle Twitter 360, ou Twitter 360, je veux dire, même avec mon petit mot que j'aime beaucoup, Twitter. Twitter 360. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça, ce site-là. Une application, je suis vraiment original. Une application développée pour le seul iPhone 3GS. Elle pourra éventuellement être disponible dans un second temps pour les iPhone Edge et les iPhone 3G, c'est les deux précédentes générations, mais vraisemblablement sans la fonction de réalité augmentée. Twitter 360 est l'une des premières applications iPhone à utiliser la nouvelle fonctionnalité mise en place par Twitter pour géotaguer les tweets. Il s'agit donc d'ajouter à chacun de vos tweets des informations complémentaires sur votre position géographique. De cette manière, vos amis vont pouvoir savoir de quel lieu a été posté chaque billet ou chaque tweet, chaque petit message de 140 caractères et moins. L'application permettra aussi de visualiser la position de vos amis Twitter dans votre environnement proche grâce à la fonctionnalité de réalité augmentée utilisant la caméra de l'iPhone. Allez voir la vidéo, c'est assez malade et impressionnant. Je vous le conseille vraiment. C'est sur assemblagerequis.com. Le département du Computing and Engineering et la School of Music de l'University of Michigan, je pourrais arrêter de parler en anglais ici, se sont rassemblés, un peu comme assemblage requis, hein, pour offrir un cours assez intéressant dans leur programme de musique. Les étudiants apprennent à faire de la musique avec leur iPhone ou leur iPod Touch. Les tons, les notes générées peuvent être changées, modifiées en bougeant le téléphone avec le motion sensor, la chose qui ressent les mouvements, là. Et puis la boussole à l'intérieur du iPhone 3GS. Donc, en combinant différents instruments, une orchestre complète est créée. Bon. Évidemment, la plupart des chansons sont peut-être pas super remarquables ou super catchy, là, mais c'est quand même un bon exemple des applications que le App Store peut vendre ou peut fournir, si on veut, et donc les capacités de l'iPhone en tant que tel. Donc, sur l'article sur assemblagerequis.com, il y a un lien vers une vidéo qui montre l'utilisation de ce iPhone-là dans le cours, et un autre lien vers un concert avec l'orchestre iPhone. La classe de l'Université du Michigan a fait récemment un concert, même le 9 de décembre. Voyons, je m'en faire dans mes mots. Le 9 décembre. Donc, les gens pouvaient aller voir ce spectacle-là. C'est quand même assez impressionnant. Donc, l'iPhone qui a beaucoup d'impact sur la musique, dit l'article de Tua.com. Par exemple, les gens qui tunent, qui accordent leur piano ou leur guitare avec des applications iPhone, qui apparemment rivalisent très, très bien les outils qui sont matériels et beaucoup plus chers qu'on peut acheter. Donc, avec l'iPod Touch et l'iPhone, ça peut fonctionner très, très bien. On a reçu un artiste, je ne me rappelle plus qui, récemment, qui avait sa guitare et qui accordait avec son iPod, son iPhone. C'était vraiment le fun. Tiens, pourquoi ne pas écouter un petit exemple? Parce que j'ai préparé ici l'extrait de ce concert avec des iPhones. Je pense qu'on est comme pris sur la même note. Avançons un peu. Oups. Ah, bon. Et ça y tente plus de jouer. En tout cas, allez voir assemblagerequis.com. Tiens, restons. Allons-y avec le prochain. Tiens, pourquoi pas. Ah, c'est mêlant quand ça marche pas. Ça, j'aime pas ça. C'est pas grave. Sur le site minimalmac.com, cette fois-ci, vous connaissez Google. Peut-être google.com. Je sais pas si vous êtes familier avec ça. Mais depuis quelque temps, il y avait une interface qu'on pouvait arranger. Taper sur la barre d'adresse, le copier-coller un code, et puis ça donnait une interface bêta, si on veut, avec un fade-in. Et maintenant, c'est rendu le défaut sur Google.com. Si vous êtes allé récemment, peut-être que vous l'avez remarqué, c'est que rien n'apparaît à l'écran quand on tape Google.com. Maintenant, c'est seulement le logo de Google, la petite boîte de recherche et rien d'autre. Tu fais Enter, ça fonctionne. Si tu bouges ta souris, par contre, là, tout ce qu'il y avait avant apparaît. Donc, pour ceux qui ont besoin de ces liens-là, normalement, il faut bouger la souris pour le faire de toute façon. Et c'est là que les liens apparaissent. Je trouve que l'idée est vraiment très, très bonne. Et ça revient au minimalisme dont je parlais plus tôt. Rendre sa vie un petit peu plus épurée. C'est pas grand-chose. Vraiment loin d'être grand-chose, mais quand même. T'sais. À l'œil, c'est plus sympathique. Un nouveau produit de la part de Google, encore une fois, Google Goggles, qui vous permet de chercher Google en utilisant des photos prises à travers ou par la caméra de votre téléphone cellulaire. Donc, ils prennent l'image que vous leur envoyez en utilisant plusieurs systèmes de reconnaissance d'images, comme la reconnaissance d'objets, reconnaissance de textes, de figures, etc. Ils vous renvoient des résultats qui ont rapport. Et pour l'utiliser, il faut aller sur le marché de Android. Il faut avoir un téléphone Android premièrement, avec le système d'exploitation fait par Google, et chercher Google Goggles. Allez voir, il y a une petite vidéo de démonstration, c'est vraiment cool comme technologie. Ça s'appelle Google Goggles. C'est sur google.com/mobile/goggles. Continuons. Ah, le temps passe vite, mais continuons quand même. On a le temps. Si vous n'avez pas visité une arcade depuis la belle époque de Miss Pac-Man, dit l'article de Branchez-vous Gadget, voici une nouveauté qui vous donnera envie de... Mais on ne sait pas trop de quoi ça va vous donner envie, mais bon. Text Minator est un jeu vidéo d'arcade dans lequel, moyennant quelques pièces de monnaie, on se voit convié à un concours de vitesse pour super compositeur de messages texte. Le jeu présente mots et phrases à l'écran sur un écran de 26 pouces, quand même, ça dépasse la plupart des téléphones cellulaires, dit l'article. Et il faut les reproduire à grands coups de pouce le plus vite possible, seul ou en mode compétitif à deux joueurs. Et c'est pas mal tout. Hein? Les 100 meilleurs texteurs se retrouveront au tableau des champions avec leurs photos. Hein? Quand même. Prix et disponibilité à venir, c'est via Ogizmo. En fait, c'est un gadget. C'est cool. Ça aurait pu être dans la chronique Google Gadget aussi. Il y en a beaucoup pour la chronique Google Gadget. Donc, des fois, il y a des choses qui doivent passer dans un autre sujet. Je vais laisser quelques articles sur le www.assemblagerequis.com. Allons-y avec quelques petites dernières choses. Pourquoi donc pas? Parlons de George Deering, son fils de 3 ans qui s'est mis les pattes sur le iPhone de son père et oups, en fin de compte, il est arrivé dans le App Store et il était toujours connecté au compte iTunes de son père. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, évidemment, il est allé magasiner, hein. Papa était occupé à faire autre chose. Donc, l'image que vous retrouvez sur assemblagerequis.com est une capture d'écran du reçu numérique que son père a reçu après. Donc, comme George le dit, hein, le gars a été son petit gars a été attiré par les couleurs et les formes des icônes dans le App Store. Donc, allez voir ça. C'est pour ça que Wheels on the Bus, Doolittle Jump et I Am T-Pain, tous dans le paquet surprise que son père a pu découvrir et j'imagine payer plus tard. Hein? Mais c'est quand même une bonne idée de la part d'Apple que Apple pourrait reproduire le Daily KDP qui dit l'article de cultofmac.com. Pourquoi ne pas offrir un paquet d'applications au hasard choisi par un enfant de 3 ans sur un iPhone qui joue avec pendant 10 minutes? Ça coûte seulement 15$, pourquoi pas? Ah, j'aime ça. Un designer a démissionné de son emploi d'une façon assez originale. Il a créé une fenêtre d'avertissement un peu comme sur macOS. Tu sais, quand des fois une application plante, ça dit bon, tu sais, l'application fonctionne plus, voulez-vous quitter, etc. Donc le message posté sur sa machine au travail était, et je cite, le designer que vous traitez comme une merde a démissionné, ça, en tout cas de façon inopinée, je pense qu'il dit sur macOS. Votre compagnie et les autres employés ne sont pas affectés. Cliquez sur renégocier pour discuter les termes d'un nouveau contrat. Cliquez sur ressources humaines pour savoir comment vous avez fait une gaffe avec moi. C'est un petit peu fendant, c'est un petit peu genre couper les ponts complètement et tu te feras jamais recommander par ce boss-là. Mais bon, que voulez-vous? Les boutons, en passant, ne fonctionnaient pas. C'était juste une image Photoshop qu'il avait mis comme fond d'écran. Le message a été trouvé par un de ses anciens collègues qui l'a posté sur Internet. Le collègue dit que le designer s'attendait à ce que son travail temporaire se change en vrai travail. Donc, dans le fond, ce serait une position qu'on appelle temp to hire en anglais. Donc, engagé comme stagiaire, si on veut, pour plus tard engager en tant que tel. Et après 3 mois de surtemps, la misère avec mes termes en français, d'overtime et de léchage de bottes. Ça, en fin de compte, c'était juste une position temporaire. Il a été sacré dehors. Donc voilà, c'était sa façon de s'en aller. C'est sympathique en montadine. Et on termine là, vraiment, parce qu'on arrive sur le 15 minutes de CNX. Hein. L'application iLingual, encore une fois pour l'iPhone. Il y a bien des choses cool sur l'iPhone. C'est un logiciel de traduction qui parle à votre place en termes étrangers, donc dans d'autres langues. Vous prenez une vidéo de votre bouche en tant que telle, une photo de votre bouche ou la bouche de quelqu'un d'autre. Vous tenez votre iPhone devant votre bouche en tant que telle après avoir pris la photo et le logiciel va animer votre bouche pour faire comme si vous parliez vraiment en, disons, anglais, allemand, arabe ou n'importe quoi. C'est super amusant, c'est super gratuit aussi. C'est commandité par une ligne d'avion aux Émirats Arabes Unis, les Emirates Airlines. Très bonne façon de briser la glace avec les gens du pays ou les gens qui apprécient toujours quand les touristes essaient au moins de parler leur langue. Voilà. Et vous pouvez voir une vidéo de l'application en train d'être testée à Paris sur www.assemblagerequis.com. Voilà, www.assemblagerequis.com. C'était la chronique de jeudi dernier, truc cool, dans CNX.ca où on compresse les chroniques technologiques d'assemblage requis, diffusées ici à C'est fou du lundi au jeudi entre 15h et 17h. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas de chronique CNX cette semaine parce qu'on vous présente des émissions thématiques, mais les chroniques CNX et assemblage requis vont être de retour le 4 janvier et l'émission CNX.ca qui compresse les chroniques sera de retour le même jour, lundi 4 janvier 2010. C'est presque la fin de l'émission. Évidemment, le dîner de con va suivre à partir de 11h avec Danny Janvier et André Baudet. Mais d'ici là, nous, on va s'écouter un petit peu de musique de Noël, jeux vidéo. Hein? C'est approprié quand même comme pour la dernière de CNX.zip. C'est 8-Bit Weapon et Compute Her qui viennent de sortir leur CD It's a Chiptune Holiday. Ils ont été très gentils avec le site G4TV.com. Ils leur ont donné la permission de distribuer ce CD-là gratuitement en fichier zip. Donc, c'est un maxi avec 8 pièces des fêtes, style chiptune. Là-dedans, il y a des pièces comme Deck the Halls avec laquelle on va commencer. C'est celle qui ouvre le CD avec une voix robotisée sur une belle petite mélodie super sympathique. Si vous aimeriez mieux avoir une copie physique de l'album, vous pouvez aller voir 8bitweapon.com et juste pour rendre ça encore plus cool, la musique est brûlée sur un CD noir à l'intérieur d'une disquette 5 pouces et quart. Et tu sais, c'est pas une disquette, t'as pas besoin de lecteur de disquette. Donc, si vous aimez la musique de Noël spéciale chiptune, eh ben allez vous procurer ça. Vous pouvez aussi télécharger l'album sur le site que j'ai mis en lien sur le www.assemblagerequis.com. On va s'écouter quelques pièces Jingle Bells tantôt. Commençons avec Deck the Halls. Et nous, on se quitte et on se retrouve tout à l'heure à Assemblage Requis à partir de 15h. Bye bye. Christmas Day to save us. straight up high, little fat and boy up high, little fat and boy. In this weekend in Israel, in this land, and they was born and laid within a manger upon this blessed moon, that which is not a Mary. Christmas Day, to save us all from Satan's power when we were on astray. Oh.